Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous sommes très heureux d'accueillir le professeur Alain Asselin. Comme le disait François, il est professeur à la retraite au département de phytologie de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation à l'Université Laval. Il est aussi co-auteur d'un livre intitulé « Curieuse histoire de plantes du Canada », paru aux éditions du Septentrion. Un livre en fait en deux volumes, mais dont un troisième volume est à paraître prochainement. Et ce n'est pas la première visite d'Alain Asselin à Futur Simple. Il nous avait déjà raconté quelques-unes de ses curieuses histoires de plantes. Il en a encore plein à raconter. Et aujourd'hui, il nous fait découvrir des histoires de plantes, d'utilisation de plantes poison par des empoisonneurs. Alors, bonjour Alain. Bonsoir Valérie. Alors, vous allez nous parler effectivement ce soir de l'utilisation de certaines plantes qui auraient servi à empoisonner. Et on va partir de loin parce qu'on va partir de l'Antiquité. On aime bien l'Antiquité. On vient de parler de Donald Trump. Il y a peut-être une relation avec certaines choses dont on va parler ce soir. Alors, partons d'Antiquité, mais il se passait beaucoup de choses assez vivaces dans l'Antiquité. Parce que dans l'Antiquité, on était très au fait des poisons. Il y en avait une peur extrême des poisons. Nommons tout simplement trois personnages que la plupart des gens connaissent, au moins deux. De nom, peut-être, oui, au moins. Oui, la belle reine Cléopâtre était une spécialiste des poisons, la reine égyptienne. Néron, un empereur romain qui a été connu pour persécuter les premiers chrétiens, était un adepte des poisons. Il voulait en fait empoisonner à peu près tout le monde. Il a eu en une occasion le désir d'empoisonner tous les sénateurs romains. Alors, rien de moins. Mais je pense qu'il vaut la peine de prendre quelques secondes pour parler d'un personnage extraordinaire, un roi. Oui. Le roi d'un pays qui s'appelait le Pont, qui correspond à une partie de la Turquie moderne, et le roi s'appelait Mithridate. D'accord. Cis Eupator, de son petit nom, et ce Mithridate est tellement célèbre qu'il a laissé, dans nos dictionnaires, encore ceux d'aujourd'hui, il a laissé son nom pour beaucoup de choses, dont quelques noms, par exemple, le Mithridatisme. Le Mithridatisme est tout simplement un mot qui a l'air bien complexe, mais qui veut dire simplement l'action de faire des choses comme le bon roi Mithridate. Et le bon roi Mithridate, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait tout simplement la petite chose suivante. Il prenait régulièrement des doses accrues de poison pour se donner une tolérance accrue, une immunité accrue au poison. Ça s'appelle le mithridatisme ou mithridatisation. Donc, il habituait son corps à tolérer le poison en prenant régulièrement des doses de plus en plus fortes. Voilà. Ce qui est relativement ingénieux, parce que d'abord, il fallait avoir toute cette expérimentation, mais le Mithridate, ce Mithridate, roi du Pont, qui a vécu de 132 à 63 avant l'ère chrétienne, ce roi avait développé aussi des antidotes. Des antidotes contre les poisons. Il avait une peur bleue des poisons et il s'habitue, mais en plus, il prend la double sécurité d'ajouter des antidotes. Et les antidotes étaient dans une préparation très complexe de plusieurs dizaines la plupart aussi, ce qu'il faut dire au départ, c'est que et la plupart des poisons et la plupart des antidotes étaient d'origine végétale. Alors, c'est pourquoi on parle plus de plantes que il y avait aussi certains poisons animaux comme les venins de serpent, quelques-uns d'origine minérale comme par exemple l'arsenic. Mais la plupart et de loin étaient d'origine végétale, des plantes qui avait l'effet mortel. Quelles plantes, par exemple? Comme par exemple la ciguë. Oui. La ciguë, on a peut-être entendu un peu parler de la ciguë. Alors, la ciguë, c'est une plante que le fameux philosophe grec le fameux philosophe grec qui dérangeait les autorités grecques parce que il questionnait l'autorité et il demandait à ses étudiants de penser par eux-mêmes, ce qui était un peu extraordinaire sous certains aspects. Alors, les autorités ont décidé de se débarrasser de monsieur le savant philosophe Socrate. Et à cette époque, on choisissait son mode de mort. Et on pouvait choisir la mort par la ciguë. On boit la ciguë. La ciguë, c'est une plante de son petit nom latin, Conium maculatum, c'est-à-dire la ciguë maculée de la famille des ombellifères. C'est la même famille, ça ressemble à un plant de carotte. De carotte, oui. Alors, c'est tout à fait efficace en peu de temps. Alors, juste pour terminer sur notre ami Mithridate, il est devenu tellement célèbre que non seulement il a laissé des mots dans nos dictionnaires d'aujourd'hui, mais il a aussi donné naissance indirectement à des préparations, des panacées qu'on appelle des thériaques, qui ont été utilisées pendant des millénaires. Et même aujourd'hui, si vous allez au Moyen-Orient, il y a possibilité d'acheter des thériaques. Alors, c'est pour vous dire qu'être spécialiste dans les poisons, dans les antidotes, ça a conféré une certaine célébrité à notre bon roi Mithridate. Qui, en passant, dernière petite allusion qui est assez comique, entre guillemets. Le bon roi Mithridate, expert des poisons, perd une guerre contre les Romains. Son pays est conquis par les Romains. Et en bon roi, il décide de se suicider. Mais là, comme il a fait preuve de mithridatisme, les poisons ont plus de prise sur lui. Quelle déception! Il ne peut pas y laisser de s'empoisonner. Ça ne fonctionne pas par les poisons usuels. Mais là, évidemment, il a dû se rappeler. Non, c'est vrai. Et il a levé la main. Il a demandé à un de ses compagnons, un de ses esclaves militaires, de lui trancher la gorge. À l'arme blanche, ça marche mieux. Voilà. Mais je veux revenir sur les thériaques. C'est quoi, en fait? Les thériaques étaient l'équivalent de ce que Mithridate mettait comme préparation complexe dans ses antidotes. C'était comme un remède universel qui servait et d'antidote universel et de panacée, c'est-à-dire de remède à tous les maux. Okay. Dans certains cas, ça pouvait être très complexe. On a des recettes dans lesquelles, par exemple, on retrouve 78 végétaux différents, des extraits de 78 espèces différentes dans des proportions spéciales, et ça prenait un temps fou pour préparer ça. Et ce ne sont pas aussi que des notions et des informations de l'Antiquité. Ici, en Nouvelle-France, dans notre histoire, au temps de Louis Hébert, on va fêter l'an prochain le 400e de Louis Hébert et Marie Rollet. Louis Hébert était apothicaire et il était bien ami avec les Récollets. Ces missionnaires qui avaient dans leur apothicairie la thériaque de Venise. Et on utilisait en Nouvelle-France une forme de thériaque, c'est-à-dire cette espèce de remède universel, cette espèce de panacée complexe dont l'origine remonte indirectement à Mithridate, l'empoisonneur. Donc, c'est finalement un cocktail de différentes plantes qui donnent une certaine immunité contre ou une certaine recette pour survivre à différents poisons ou différentes maladies. Exact. C'est parce qu'on est souvent passé de poison à potion. On est souvent entre poison et potion bénéfique. Parce que on a compris rapidement que tout était dans le dosage. Et au 15e siècle et au 16e siècle aussi, il y a des gens, des alchimistes même, qui ont montré clairement qu'il fallait comprendre les effets de ces végétaux-là selon les dosages. Alors, le dosage médicinal n'est pas le dosage, évidemment, des poisons. Ouais, d'accord. Donc, avançons un petit peu dans le temps. On peut arriver justement à l'époque de la colonisation. Donc, là aussi, est-ce qu'on a eu des histoires d'empoisonnement encore, de la colonisation jusqu'à nos jours? Oui. Est-ce qu'il y a encore eu des empoisonnements? Oui. Si on arrive arrivons au Canada, en Nouvelle-France, la découverte officielle du Canada par notre ami Jacques Cartier en 1534. Et au moment de Cartier, Et tout de suite après les voyages de Cartier, Cartier et les autres explorateurs qui suivent arrivent avec leurs plantes médicinales qui, pour certaines, sont aussi des plantes toxiques. Ils arrivent avec tout cet arsenal, en plus de découvrir que ici, à cause du savoir des Amérindiens, il y a plusieurs plantes qui sont aussi tout aussi mortelles. Prenons un exemple très précis. Un missionnaire, Louis-Nicolas, pour ne pas le nommer, un missionnaire jésuite, décrit la ciguë des Amérindiens, qui correspond à la cicutère maculée, qui est une petite cousine de la ciguë d'Europe, et qui a des effets tout aussi nocifs. Alors, Louis-Nicolas note de façon très précise, dans ses écrits qui nous sont parvenus d'ailleurs, il note que les Amérindiens utilisent, lorsqu'ils ont des désagréments importants, utilisent leur ciguë, la ciguë d'ici, la cicutère, qui appartient comme petite cousine à la ciguë d'Europe, qui appartient à la même famille, qui ressemble un peu à une carotte encore là, rapidement, et on a quelques cas très bien décrits de morts d'enfants. Au début de la colonie ici, les enfants déterraient ces plantes qui ressemblaient souvent à des carottes sauvages. Et ils confondaient les parties souterraines, les consommaient, et à peine une ou deux petites racines, et ça suffit pour un enfant. Donc, on transporte quelques plantes médicinales qui sont aussi toxiques et qui peuvent être utilisées comme des poisons mortels, et on en découvre aussi quelques-unes de façon importante, dont la plus mortelle est la cicutère dont nous venons de parler. Donc, en fait, les Européens, quand ils arrivent ici, ils amènent des plantes, mais comme remède médicinal, pas forcément comme poison, sauf qu'après, ça dépend de la dose qu'on en fait. Ça dépend et ça dépend des intentions qu'on peut avoir. Alors, puis ça dépend de l'âge des gens qui les consomment aussi. C'est pas les mêmes doses n'a pas le même effet. Et comme vous le dites aussi, il peut y avoir des erreurs. Comme on mentionnait pour les petits-enfants, des erreurs d'identification, de reconnaissance des plantes. Donc, quelles sont ces plantes qu'on a apportées de France ou d'Angleterre, je ne sais pas, qui sont arrivés ici. On pourrait en parler longuement, c'est des dizaines et des dizaines. Alors, nous allons nous concentrer sur celles qui étaient à la fois médicinales, stimulantes au point de vue de l'euphorie, des plantes qui étaient euphorisantes, et qui pouvaient aussi, selon le dosage, devenir mortel. Alors, évidemment, avec les colons, on suivit l'opium, le pavot. Ah oui. Alors, parce que c'était toujours, si on regarde les top 5 ou les top 10, l'opium fait toujours partie des plantes qui sont utilisées à ces diverses fins. On a aussi apporté ici une plante qui s'appelle la jusquiame noire, Hyoscyamus niger de son petit nom scientifique, qui est une plante de la famille, des solanacées. Même famille que la pomme de terre, la tomate, l'aubergine, etc., les piments. Alors, on sait aujourd'hui que la famille des solanacées est l'une des familles les plus importantes au point de vue des alcaloïdes, de ces contenus en alcaloïdes, ces molécules qui ont des actions très, très importantes au niveau du système nerveux central. Alors, la jusquiame était un exemple. Et on a aussi apporté la ciguë d'Europe, on l'a apporté pour s'en servir comme médecine. Au Québec, ici, au 18e siècle, fin du 18e siècle, il y a eu une maladie qui s'est appelée le mal de la baie Saint-Paul. C'était une forme de syphilis tout à fait spéciale et rare. Et une partie des remèdes recommandés pour soigner le mal de la baie Saint-Paul était la ciguë. Mm-hmm. Alors, il ne faut pas se tromper J'espère dans le dosage. J'espère qu'ils connaissent le dosage. Il ne faut pas se tromper dans le dosage parce que le problème va être plus que syphilitique, il va être d'ordre létal. Ouais. Alors, mais c'est intéressant de voir que la ciguë a suivi, la ciguë qui a tué Socrate, est utilisé ici pour combattre une forme de syphilis spéciale. L'aconite, une plante, une belle plante à fleurs bleues. L'aconite, ça s'appelle l'aconite casque de Jupiter. Aconitum, un joli nom. Oui, joli nom pour son petit nom latin. Aconitum napellus. Cette plante a de très belles fleurs. Mais extrêmement laide, extrêmement dangereuse, extrêmement dangereuse si le dosage, évidemment, n'est pas tenu compte. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y avait... Oh, vous vouliez continuer? Oui, non, allez-y. Oui. Est-ce qu'on connaît des usages intentionnels d'empoisonnement de toutes ces plantes ou finalement, est-ce qu'on... Ici même au Canada, au Québec? Ici, dans cette période-là, il y a eu quelques cas très rares. Oui. Ici, je parle au point de vue répertorié, bien connu. Mais en Europe, ça, c'est une profusion de cas. Donnons un exemple. C'était tellement dans l'esprit des gens que même l'auteur français, Jean Racine, a écrit une tragédie qui s'appelait Mithridate et qui voulait décrire les problèmes, justement, d'empoisonnement à son époque au 17e siècle. Ouais. Alors, il y avait beaucoup, c'était très, très, très important. Et c'est comme ça qu'on a développé. Les poisons ont eu un bon effet sous certains aspects. Ça a permis l'avancement des connaissances parce que on a les gens de plus en plus curieux quant à ces effets et quant au diagnostic et quant à la détection. On a commencé à découper des cadavres pour voir dans quel organe est... Lorsqu'on prend de la ciguë, c'est quel organe qui est affecté d'abord? Si on prend de l'aconite, c'est dans quel organe? Et est-ce que je peux déceler dans le foie, par exemple, l'effet? Et dans certains cas, même si c'était très primitif comme mode de détection, on ouvrait les organes et on sentait la senteur de la plante. De la plante, Oui, puis à un moment donné, j'imagine qu'on a voulu améliorer nos connaissances de ces plantes dans un usage médicinal, donc savoir quelle dose on peut utiliser pour des usages médicinaux et jusqu'à quelle dose il ne faut pas aller pour ne pas tuer notre patient. Et donc, ça nous a amené à connaître finalement, à savoir quelles sont les molécules? Quel beau stimulus, quelle belle force pour quand on veut connaître justement la limite des dosages et les modes d'action, que d'essayer de les purifier, de les connaître, de les caractériser. Au début du 19e siècle, on commence à purifier, par exemple, la morphine. Morphine qu'on a nommée à cause du dieu Morphée, qui était le fils du sommeil et de la nuit. Alors, on les purifie, on les caractérise, et bientôt, après la morphine, toute une gamme de substances deviennent connues. La nicotine des tabacs, qui est un poison aussi. La conine de conium, la ciguë, et toute une gamme. Il y a des dizaines et des dizaines de substances qui commencent à se connaître. Et c'est ça qui explique, en grosse partie, le développement chimique et biochimique sous-jacent aux sciences expérimentales biomédicales qui se développent petit à petit. Alors, on part d'observations très empiriques, d'essais et erreurs pour évoluer vers des sciences expérimentales où on purifie des choses, on quantifie des choses et on inspecte par des méthodes quantitatives, si possible, des phénomènes. Mais là, vous parliez de la nicotine, donc la nicotine qui est un poison, et donc ça vient du tabac. Est-ce que ça veut dire que le tabac était considéré comme une plante médicinale ou qu'on s'en servait comme un poison? Oui. Le tabac était considéré, rappelons-nous que le tabac est une plante d'origine américaine. C'est une plante des Amériques qui n'était pas connue, évidemment, avant la découverte des Amériques par les Européens. Après sa découverte, Et on s'est aperçu que les Amérindiens l'utilisaient à diverses pour diverses fonctions rituelles, médicinales, symboliques et autres. Et les Européens sont tombés en amour. Et le mot même n'est pas suffisant. Au point de vue médicinal, c'était une panacée. C'est un peu comme les thériaques dont on a parlé. Une seule plante. N'oublions pas que dans les thériaques, il y avait des dizaines et des dizaines de composés dans les extraits de tabac. On disait une seule plante est nécessaire, l'extrait de tabac fait des miracles. Et lorsque les Espagnols ont découvert le tabac, en fait, ils ont découvert deux espèces de tabac, le tabac commun et le tabac des paysans, Nicotiana tabacum et rustica. Et ce fut un engouement extraordinaire jusqu'au moment où on s'aperçoit que à certaines doses la nicotine n'était plus médicinale, elle avait toutes sortes de évidemment d'effets autres et ça continue aujourd'hui. Ouais. Hein. On pourrait parler aussi, un autre exemple qui est intéressant, c'est celui de l'olive. On n'en a pas parlé jusqu'à présent. Non. Mais parce que de l'olive, donc, c'est une plante indigène qui pousse dans les forêts ici. Oui. On en extrait maintenant du taxol. Oui. Mais l'olive n'a pas toujours été une plante... Comme par hasard, une des plantes modernes qui donne le taxol et tous les dérivés utilisés de nos jours dans certains traitements de certains cancers. Comme par hasard, l'if était dans l'Antiquité considéré comme l'une des plantes les plus toxiques. Ce conifère était considéré si toxique que les anciens disaient il ne faut même pas dormir sous un if. Il ne suffisait pas d'en manger, là, non, juste non, dormir non, non, en dessous. N'allez pas sommeiller sous un if. Vous êtes en problème. Et ils avaient toutes sortes de petits trucs pour neutraliser, ce qui ne fonctionnait pas nécessairement au point de vue de la science moderne, mais ils disaient, vous voulez conserver un if, insérez des petites loups de cuivre dans l'if et ça va neutraliser la toxicité. Oh. Alors, il y avait toutes sortes de croyances, mais l'if, qui était si considéré poison et si... qui avait tant d'effets chez les anciens, comme par hasard, il y a quelques décennies, devient la source de diverses molécules qui sont encore des plus intéressantes. Et l'if n'est que, parmi d'autres espèces, l'exemple d'autres plantes qui ont aussi donné des molécules. Quels autres exemples, comme ça, rapidement, là, dans les 2 minutes qui nous restent, quels autres exemples vous auriez à nous donner de plantes qui étaient considérées comme des poisons et qui maintenant sont passées, dont on extrait des molécules qui servent maintenant en médecine? Oui. Alors, prenons par exemple une des molécules que la plupart des gens connaissent bien, l'aspirine. Alors, l'aspirine, maintenant, aujourd'hui, si vous regardez dans la littérature là, des 2 dernières années, l'aspirine est encore dans des études cliniques pour ce qui est de certains traitements de certains cancers. On essaie de voir s'il n'y a pas un effet préventif, par exemple, contre le cancer du côlon. Et l'aspirine vient, le mot aspirine, c'est extraordinaire. Dans aspirine, il y a 3 parties. A pour acétyl, spire pour spirer, la plante spirée, et in à la fin, parce qu'on donnait aux substances qu'on purifiait, on ajoutait le mot in. Alors, A, spire pour l'aspirer et in. Alors, l'aspirine, initialement, est venue de l'écorce de saule, parce que depuis l'Antiquité, on recommandait l'écorce de saule pour divers traitements, et même dans certains cas, on pouvait l'utiliser comme poison. Comme poison également? Oui. Si on en prenait des doses, ça devenait poison si on en utilisait des doses massives. Et comment on produisait ces doses massives-là? Il s'agissait de tout simplement faire sécher, au lieu d'utiliser des écorces fraîches, de les faire sécher et d'en faire des poudres compactées. Pour qu'il y ait plus de substances à l'intérieur de ces genres de pilules compactées. Donc, tout le monde connaît l'aspirine, tout le monde sait les effets bénéfiques, mais il peut y avoir... L'aspirine fait partie d'une famille, au point de vue chimique, qu'on appelle les salicylates, et à peu près toutes les plantes produisent des salicylates. Ce n'est pas que le saule qui produise des salicylates. Et les salicylates jouent un rôle extrêmement important dans les plantes pour que les plantes se défendent contre divers envahisseurs. Entre les insectes, les champignons. Voilà. Alors, souvent, les molécules utiles à l'homme sont dérivées de molécules utiles aux végétaux parce que les végétaux en font des armes de défense. Ce sont des armes de l'arsenal de défense des végétaux. Eh bien, je pense que c'est une belle conclusion pour cette histoire des plantes poisons ou potions. Alors, merci beaucoup, Asselin. Excusez-moi, Alain Asselin. Donc, je rappelle qu'Alain Asselin est professeur à la retraite au département de phytologie à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation à l'Université Laval. Et j'imagine qu'on vous revoit quelque part un peu plus tard, avant Noël. On se revoit au mois de décembre, sans faux. Et avec grand plaisir, Valérie. Pour d'autres histoires curieuses de plantes. Oui, certainement. Merci beaucoup, M. Asselin. Et quant à nous, bien, on va passer en pause publicitaire. Et au retour, ce sera au tour de Marie-Claude Dionne qui va nous parler des signes laissés par l'homme préhistorique et de l'émergence de la pensée.